pécheur, paya toute sa dette, asperge l'âme du sang de l'agneau, et je passerai par-dessus vous. Quand je perds le sang, quand je perds le sang, quand je perds le sang, je passerai par-dessus vous. Quand je perds le sang, ou quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Pire des pécheurs, Jésus sauvera. Il fera tout ce qu'il a promis. Lavez-vous donc la pente nos bêtes, et je passerai par-dessus vous. Quand je ferai le sang, ou quand je verra le sang, quand je verra le sang, et je passerai par-dessus vous. Quand je verra le sang, l'agneau, quand je verra le sang, quand je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Le jugement vient et tous seront là. Chacun recèle, Dieu descendu, cachez vos dents. Le sang qui rampait, et je passerai par-dessus vous. Quand je verrai le sang de l'agneau, quand je verrai le sang, ou quand je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Quand je verrai le sang de l'agneau, quand je verrai le sang, ou quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Grande compassion, amour sans mesure, amour bienveillant, fidèle et sincère, trouvez paix, abrez sur le sang, et je passerai par-dessus vous. Quand je verrai le sang de l'agneau, quand je verrai le sang, ou quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Quand je verrai le sang songe quand je verra le sang ou quand je verra le sang. Je passerai par des cheveux quand je verra le sang de l'agneau quand je verra le sang. Oh oui, quand je verra le sang, et je passerai par dessus vous. Le sang, c'est le bouclier protecteur. Je parle le sang que Dieu fait l'expiation. Pour enlever le châtiment de notre culpabilité. On n'est pas nous traiter comme mérite nos œuvres. Pour nous accorder sa miséricorde. Alors, quand tu ne sais ni que dire, ni que faire, consacre-toi à Dieu. Quand tu es dépassé au point de ne savoir que dire ni que faire, consacre-toi à Dieu. Il a toujours des solutions. Il a de meilleures idées. Il a de vraies interventions. Il a de la puissance en réserve pour faire face à tout. Même en nouveauté, les choses jamais vécues, les choses jamais entendues, il sait comment résoudre ça. Quand tu es dépassé, quand tu es ébranlé, quand tu es fortement secoué, au point de ne savoir ni que dire, ni que faire, alors consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu, mon frère. Consacre-toi à Dieu, Église. Consacre-toi à Dieu, ma sœur. Tu peux mieux rebondir. Tu auras un nouveau départ. Tu donneras un nouveau repère. Tu auras un nouvel appui. Tu auras une expérience fraîche. Sa consolation est une réalité. Son secours est effectif. Il nous voit, il nous connaît. Il sait par où nous passons. Il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît toutes nos limites. Quand tu es tellement ébranlé, et tu ne sais ni que dire, ni plus que faire, consacre-toi à Dieu. Dieu notre Père, nous te remercions ce soir pour ce moment de prière et d'adoration, de supplication, de requête même, de louange aussi, de mélodie sacrée. Nous faisons-nous pour ta gloire. Glorifions ton merveilleux nom. C'est nous qui nous gardes et nous surprenons. C'est nous qui nous cessons de faire du bien. C'est merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous nous tenons devant toi en ce nom. Priant que tu exauces que tu nous gardes près de toi, Seigneur. On ne jamais tiraillé. On ne jamais nous affaiblir. On ne jamais nous laisser influencer par des courants négatifs. Mais nous voulons les positifs de Dieu. Nous voulons les courants de Dieu. L'électricité divine. La puissance électrique vient du ciel pour nous mettre en mouvement, nous mettre en réveil, nous réveiller du sommeil, mettre en action pour le royaume de Dieu. Exauce cette prière et pardonne tout péché qui a été confessé ici, qui a été déclaré, qui a été fait secrètement, même en silence. Seigneur, tu es celui qui sonde les cœurs et les reins, tu connais que de l'un nos pensées, tu connais ce que nous ressentons, tu connais tous nos sentiments, Seigneur, et la vérité de nos cœurs. Pardonne toute iniquité, pardonne la rébellion, pardonne le péché, tout ce qui a été déclaré. Que le sang de Jésus couvre cela. Puisse expier cela. Que le grand décolorant de Dieu, il puisse tout décomposer pour faire tout disparaître. Et la culpabilité et le mal. Nous avons besoin de toi en cette soirée merveilleuse pour performer notre communion, accroître notre spiritualité, augmenter notre équipement pour que nous fassions la guerre spirituelle avec stabilité. Que chacun soit déclaré vainqueur au bout du chemin et chaque jour. Exauce toutes les prières. Au nom de Jésus-Christ, exauce-nous, Seigneur. Car si toi tu n'exauces pas, qui va nous exaucer? À qui avons-nous adressé ces prières? Mais c'est à toi seul notre prière. Votre Seigneur Sauveur. Et toi qui as fait l'oreille, tu ne seras jamais sourd. Tu sais entendre, tu sais compatir, tu sais réagir, tu sais comprendre. Tu es notre ami fidèle. Que nos soins finis, exalté pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur à deux endroits dans Marc chapitre 9. Malako. Le verset 4 à 7. Minei Kinosambo. Élie et Moïse les rapparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire. Le froid les ayant saisis. Une nuée vint le couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celle-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Il y en a monsé, ba monani na bango, ba jalaki kosolola na Yesu, pete la lobi na Yesu ete, kolo, e jali malamu ete, to jali awa, to sala ningombo misato, moko ya yo, moko ya mose, pe moko ya Elia. Dambi a ebite soko a jali koloba nini, po ete babangi mingi penza. Lipata ye kojipa bango pe mongongo ebimina lipata koloba ete. Oyo mwana nangai na bolingo, boyoka ye. Luc chapitre 21, verset 25 à 27. Luka tukumi bale na moko, mwongela kotanga. 25 à 27. Tukumi bale na mitano, kino tukumi bale na sambo. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Bilembo bikozala kati na moi na sanza na mioto pe awa na se mitema na bato mikozala na likolo pona mikakatano na konguluma na kotumbuka na mai monene bato bakosenja na somo na kotalela makambo makobima kati na mokili. Po ete nguya na likolo iko ngam iko ningana. Na tango yango bakomona mwana na moto kuya na lipata na nguya na nkembo mingi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous souhaitons à chaque âme bienvenue à cette méditation sacrée de la parole du Seigneur. Voulant que votre présence ici soit une bénédiction. Et que par votre présence vous soyez béni. Et que par votre présence vous soyez secouru. Dans tous vos besoins. Je l'ai dit avant de prier. Quand je me suis que dire et que ne sait que faire, consacre-toi à Dieu. Et la méditation est notre exhortation ce soir. Elle portera son petit titre là. Tant que ne sais que dire ni que faire, quand tu ne sais que faire ni que dire, consacre-toi à Dieu. Il est un moment où nous traversons des turbulences. Il y a des moments où nous pensons être si forts et capables. Mais il y a des fois la force des événements et des choses qui peuvent nous contraindre au silence. Qui peuvent nous réduire à l'impuissance. Où nous nous sentons totalement déconnectés, voire incapables. Mais c'est le moment où il faut se consacrer à Dieu. Le Seigneur a dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué, cherché. Quand vous êtes dans l'état de fatigue, c'est une surcharge qui vous paraît excessive, et que certains fardeaux deviennent difficiles, voire impossibles à porter. Ça vous devient intenable. Le Seigneur a invité, venez à moi. Il s'exhorte de venir à lui. Venez à moi. Vous tous, sans exception, vous êtes fatigué et chargé. Voilà Jésus, je vous donnerai du réponse. Il a toujours une solution. Peut-être qu'il vous paraîtrait dérisoire. Il paraîtrait négligeable. Et vous pensez, oh, mais ça c'est déjà entendu. Mais quand la main de Dieu est dans quelque chose, même celle qui était ordinaire devient spéciale. Quand Dieu se mêle à quelque chose, même ce qui était habituel devient surprenant. Vous savez qu'un jour il a partagé le pain, c'est quelque chose qui se faisait couramment. Et il a partagé aussi du poisson. C'est une activité journalière. Il pouvait faire rôtir le poisson. C'était quelque chose d'ordinaire. Mais quand la main de Dieu s'y est mêlée, que Jésus a pris le pain et le poisson, il a rendu grâce. Oh, c'était une multitude de pain et de poisson innombrables auxquels les gens ont fait face. Que des milliers de gens ont mangé. Chose qu'aucun restaurant ne pouvait faire de manière personnes. Au point que chacun sorte joyeux. Le restaurant de la terre ici aurait lui demandé au moins un mois, voire trois mois de préparation. Et un budget financier conséquent. Quand on le voit, quand les gens organisent le mariage, et que vous allez toquer à la porte des services traiteurs. Mais ben, ils vous demandent, ben, vous voulez, vous invitez combien de gens? Oui, vous invitez pas bon. Ok. Et vous voulez organiser la fête quand? Et vous avez quel budget? De quoi êtes-vous capable? Autant. Bon, nous vous disons, d'après notre expérience, réduisez d'abord le nombre d'invités. Et puis, ne programmez pas la fête avant telle date. Vous devez nous donner le temps d'aller faire les achats. Le temps d'aller prendre les contacts. Le temps de cuire ce qu'on doit cuire. Le temps de rassembler ce qu'on doit rassembler. Et ainsi de suite. Et vous trouvez un compromis. Et à la fin on dit, telle date, vous venez, mais attention, ne dépassez pas les nombres, les protocoles, on tire les oreilles, soyez stricts au poste. Ne faites entrer que celui qui a une invitation. Ne faites ni complaisance, ni sentiment, parce que sinon il y aura des conséquences. Entendu? Oui, compris. Et les jours-ci, on vient le faire. Mais le Seigneur, sans aucune préparation, sans aucune prévision. Ozanga kobongisa makambo. Juste séance tenant. Bobele sika wana. Parce qu'un besoin urgent s'est déclaré. Osenga lombango etalisami. Il avait rassemblé les gens par la puissance d'attraction qu'il avait. Ce jour-là, il a eu un monde composé de milliers de personnes. Comme on dirait un monde fou. Tout autour de lui. Et lui aussi, il s'est mis à enseigner du matin jusqu'au soir. Et à la fin, les gens étaient languissants, fatigués. Et ils ne voulaient pas les relâcher comme ça. Quand il les a regardés, ils étaient comparables à des brebis sans berger. Il a eu de la compassion envers eux. Et il dit à ses disciples, vous n'allez pas les renvoyer affamés comme ça. Donnez-leur à manger. Ses disciples disent, qu'est-ce qu'on va leur donner? Nous n'avons que deux pains et trois poissons. Donnez-les-moi. Sans aucune préparation. Regardez-moi la capacité du restaurant Jésus. Quand il dit qu'il est le bon berger, il peut nourrir quiconque à faim. Que tu viennes à l'improviste ou dans les préparations, il sera toujours à la hauteur. Jamais il ne déçoit ceux qui viennent à lui. Il ne mettra pas dehors ceux qui viennent à lui. Parce que nous pouvons nous comprendre ici. Il dit, donnez-les-moi. Il prend les deux pains, aussi les trois poissons, et il rend grâce. Atondi, il donne maintenant ses disciples. Donnez-les vous-même. C'est ça, il nous place devant un fait accompli. Il a remis ce qu'on lui a donné. Enfin, comme ça, c'est la même quantité, la même chose. Le poisson n'a pas grossi. Le pain n'est pas devenu qu'en la journée. Il a la même taille que la même chose. Obéissez. Le miracle vient dans l'obéissance. Même si ça vous paraît dépassé, vous ne savez ni que dire, ni que faire, consacrez-vous à lui. Obéissez à sa parole. Ça, c'est ce que vous savez de ce qu'il a dit. Il a dit qu'on leur donne. Frère, arrêtons de perdre le temps. Topé sa caca, et si que vous êtes là, ou non, tout que nous coupez ses rapports, et s'il. Topé si c'est quoi, et s'il. D'accord? Peyokani. Avançons dans l'obéissance. Ne perdons pas le temps dans les raisonnements, dans les découragements, dans le relâchement, dans les pensées, les sentiments kilométriques. Frère André, toi tu tiens un. Frère Philippe, toi tu prends l'autre. Pierre, toi tu tiens l'autre. L'autre, Jean, prends. Ça ne suffit même pas les douze. Vous qui êtes mains vides, accompagnez-nous seulement pour souhaiter bon appétit aux autres. Soyons ensemble. Hein? Donc à moi, je donne, je coupe un morceau, je donne. Toi tu dis bon appétit. On doit permettre à ce que ça marche. Je commence à donner. Il coupe. Mais ils ont servi. Oh, ils ont servi, ils ont servi. Ils ont même oublié que ça ne suffisait pas. Tous les soucis effacés. L'onction de service est entrée en action. Quand vous laissez tomber vos raisonnements, parce que vous ne savez que dire, vous ne savez plus que faire, au moins la parole vous dit quoi faire. Donnez-les vous-même à manger. Et vous remettez le pain dans l'état où ils étaient. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Ils sont entrés sous l'onction. L'onction des services. Dont les serviteurs de Dieu ont aussi besoin. Que ce soit les prédicateurs, que ce soit les vases qui doivent être utilisés diversement. Chacun a besoin de l'onction des services. Ils ont oublié que ça ne suffisait pas. Ils ont oublié que c'était peu. Parce que Dieu est entré en action. Sachez que c'est Dieu qui vous amène à cet état-là. Souvent. Vous ne savez plus que dire. Ni que faire. Et vous en arrivez souvent à ce point quand lui est prêt à intervenir. Quand il est sur le point de produire une surprise. C'est là qu'il vous amène à cet état. Est-ce que quelqu'un acquiert l'intelligence? Les années, il y a eu le de vous porte, mais sur les choses, c'est ma porte. Maintenant, il te met dans cet état pour voir que vas-tu faire maintenant. Moi, je t'exhorte, consacre-toi à Dieu. Réponds à lui immédiatement. Appelle-le sur la chaîne et tu verras la solution sans tarder. Le miracle va se produire. Parce qu'il est Dieu. Si vous dites, tenez-vous tranquille. Quand sachez que je suis Dieu. Regardez ce qui est arrivé. Ils ont servi, servi, servi. À un moment, c'était tellement trop autour d'eux. On voit quand même ceux qui n'avaient que le rôle protocolaire de dire pour la petite. Se sont retrouvés également en train de servir les pains. Sans savoir précisément à quel moment ils... C'était tombé dans leurs mains. Mais le Créateur a pourvu. Il traite avec nous tous. Il ne fait pas de favoritisme. Il utilise quiconque se dispose. Si tu es prêt à collaborer, Dieu te donnera ta part. Il t'ajoutera des rôles. Donc, et dans les quantités qu'ils avaient, c'était devenu tellement débordant. D'autres tombaient même par terre. D'autres tombaient là-bas. Quand ils ont servi tout le monde, la joie était grande dans la foule. On a vu que tout le monde était consolé. Et d'autres commençaient à rentrer chez eux. Les ventres bédonnants. Ils ont mangé trop de pain et trop de poissons. Et qu'on n'a pas préparé dans une alimentation de la terre. C'était très succulent parce que c'était une cuisine jamais mangée. C'était de la création pure. Imaginez que Dieu vous serve selon votre appétence. Lui qui vous a créé et connaît vos profondeurs. Et qu'il vous donne quelque chose à manger quand vous avez tellement faim. Oh non, on peut se faire la caca. Si vous êtes ensemble, on peut se faire la caca. Je peux voir un vieux papa là-bas. Vraiment, église au Yélingien. Église au Kitoko. Vraiment, même pas là-bas. Banane à Ouzou. Tous les rabolités. Et moi, non, Yésus, Zamba, pas voler après ça. Ensemble, Moussalia, Boye. Moussalia, solo. Allez ici, Bisson. Dili, mon avis, son. Allez ici, Babou, mon avis, son. Tolei, to Tonli, to Zongi, à Kokoka, et Zalakande, Boye. Moutoua, Sengite. Moutoua, quelle élite. Ye moko kaka moni ba posa na biso zanini pe apesi koleka autre au kadifa. Il est le même Dieu ce soir. Il peut te satisfaire au-delà de ce que tu penses. Le même Dieu encore ce soir. Quand nous parlons de lui, il se tient prêt. Moi je l'aime. À la fin, tout le monde est parti. Toute la foule. Alors, maintenant, ce qu'ils voulaient continuer à servir, ils se sont retrouvés avec beaucoup de pain, des poissons, quantité débordante et parcelle, beaucoup. Mais il n'y a plus personne à servir. Voilà qu'il y en a encore plein ici. Jésus leur dit, ramassez tout pour qu'il n'y ait pas de pertes. Il ne voulait pas de gaspillage. On a tout ramassé. Il a tout ramassé. Il a tout ramassé. Et pas une raison comme on est sacré. Du coup, il n'a pas vu. Balokoti. Balokoti, pas de relire, pas de regarder. Amen. Toi, il y a un affaire. Avec votre logique trop médicale et moderne. Bon, allez maintenant combattre Jésus là-bas. Allez contre lui. Il a dit de tout ramasser. Alors, il va le contagion. Et c'est qu'il n'a pas vu. Mais quand l'homme a été créé, il a été créé. Où? Il était créé sur un lit. Adam, mais je partais. Il a dit, tu es poussière. Et tu retourneras la poussière. Même quand tu portes les habits et que tu mets les pantalons. Et demain, c'est ce que Dieu a dit que tu es. Vous allez pour poussière. Et tu retourneras à la poussière. Tu es terre. Tu retourneras à la terre. C'est ça la vérité. Angola solo. Toyokani. Quand tu ne sais que faire, que tu es ébranlé, t'es pas fou. Consacre-toi à Dieu. Recours au Seigneur. Recours à la prière. Sache qu'il est le Dieu qui se tient derrière les choses. Quand il t'amène dans cet état de blocage, de débranlement, sache que la solution est à portée de main. Elle est trop proche de toi là. Ce miracle se tient prêt pour motiver ta joie. Gloire à Dieu. Un jour, c'est encore lui qui a amené Pierre, Jacques et Jean sur la côte de montagne. Les trois témoins. Arrivé là-bas, tout était bien. Il a commencé à se transfigurer. Ses habits ont commencé à éclater. Les disciples ont manqué à dire. Mais c'est lui qui les a amenés dans cet état. Sur une haute montagne isolée là-bas. Il savait ce qu'il faisait. Ils l'ont vu performer. Totalement. Tout le monde est resté silencieux. À un moment, Moïse apparaît. À un moment, Élie apparaît. Et puis, il commence à parler là-bas. Pierre, excessivement saisi d'effroi. La prière a dépassé les normes. La Bible dit, il ne savait que dire. C'était ça la vérité. Il ne savait que dire dans cette situation. Alors il a commencé à dire, Seigneur, faisons trois temps ici. Il est pour toi, il est pour Moïse, et il est pour Élie. Mais en vérité, il était terrorisé. Il ne savait que dire. Il l'a amené dans cet état-là. Non seulement lui, on dit, il ne savait que dire. Le froid, les ayants, c'est dit. Donc la frayeur n'avait pas saisi que Pierre seul. Mais la frayeur avait saisi tous les trois. Mais Pierre a osé parler là où il ne savait pas qu'est-ce qu'il dit. Il savait qu'est-ce qu'il dit. Il a osé parler. Et il ne comprenait même pas ce qu'il disait. Il a parlé. Allô-y. Oh. Car Dieu l'a amené dans cet état. Regardez le surnaturel qui se tenait par là. Une nuée. L'ipata. Remarquez ça. Lui qui savait que dire. Et l'écriture conclut. Il ne savait que dire. Parce que les proies les avaient saisis. L'écriture ajoute. Une nuée. L'ipata est outil dans l'eau là. Il a enveloppé. Et quand il se ressaisit, il ne voit que Jésus seul. Mais de la nuée est sortie la voix. Et le surnaturel qui s'ajoutait au surnaturel. Une expérience qui s'ajoutait à l'expérience. Avec Dieu, c'est comme ça. Vous marchez d'expérience à l'expérience. La première vous a amené dans un état de débranlement, de frayeur complète. Vous ne savez plus que dire. Une autre allait s'ajouter. Mon sous tout c'est pour ton bien. Non, la nuée s'est ajoutée. Il passa et bâtissami. Une voix s'est exprimée. Mongongo et quand ils ont regardé, ils n'ont vu que Jésus. Mes chers amis, Baninga, Dieu amène les humains dans cet état. Lorsqu'il est sur le point d'intervenir. Il veut toujours démontrer que nous sommes limités. Et qu'il a de quoi intervenir là où nos limites s'affirment absolument. C'est lui qui prend la que toute langue bénisse son nom. Regardez ce que disait Frère Branham ici. Dans une des prédications ici. J'aimerais lire ici. Dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. Par exemple ici. Prêché le 1er décembre 1953. Oh là là. Oh, je peux. Regardez ce qui se passe au temps de Noé. Voilà. il va amener les gens à cet état. Il a laissé les moqueurs et se moquer pendant autant de temps. Il les a laissés. Il a laissé Noé travailler dans la spire, comme on disait hier. Saisi d'une crainte pieuse, respectueuse. Noé travaillait pour Dieu. Les railleurs et les moqueurs se moquaient pour lui. Et pour ceux qui espéraient croire son message. Dieu les a laissés. Mais vous voulez les amener dans un état. Écoutez, je peux simplement imaginer Noé donnant des coups de marteau. Et quand il était arrivé à la dernière partie qui restait, les gens se tenaient tout autour à se moquer. Disant, que vas-tu faire de cette immense pauvre machine? C'est immense. Comme on disait hier, sans forme. Après. Une arche sans forme, mais ça vient de Dieu. Quoi servira à quoi? Nous n'avons pas à tout expliquer. Mais nous avons à lui obéir totalement. Même si on ne comprend pas, obéissons quand même. Il se moquait de lui et tout. Et il a simplement construit d'arrache-pied. Et il s'est tenu là quand il a terminé. Et il a prêché aussi fort qu'il a pu. Alors finalement vint un jour où Dieu a eu assez. Il est laissé pendant des années se moquer, Nous étions calmes. Mais finalement, un jour est arrivé où Dieu en avait assez. Elle a dit trop, c'est trop. Vos blagues, vos aventures, ça suffit. Maintenant, je vais passer à l'action. Mais avant de le faire, il met le monde entier dans un état. Et je peux simplement m'imaginer voir un étrange sentiment gagner le monde. Donc même les moqueurs ne pouvaient plus continuer à se moquer à un moment parce que Dieu les a plongés dans un état. Dans un état d'un qu'est-ce que c'est? Mais que va-t-il arriver? Donc, ils ont arrêté leur moquerie. C'était un aspect. Mais Noé de ce côté a fini son travail. Et il continuait à s'attendre à Dieu. Pendant que lui était dans l'expectative, s'attendait à Dieu. Dieu aussi dit, ok, l'arche est prête. Il est achevé. Ça suffit pour moquer. Du coup, plus personne ne pouvait se moquer de lui. Le monde s'est plongé dans un sentiment étrange. On dirait que chaque humain commence à se demander, que va-t-il se produire? Que va-t-il arriver? Ce vieux-là ne travaille plus. On n'entend plus le bruit de marteau dans ce coin-là. Quand on passe là, les moqueurs s'arrêtent. Les railleurs arrêtent. Noé aussi a arrêté. Tout le monde attend. Dans l'expectative. Dans les qui vivent. Voilà. Il y a un Dieu qui contrôle l'univers. Il avertit toujours les gens avant de les frapper. Avant de les châtier. Regardez ce qu'il a fait. Je peux simplement m'imaginer voir un étrange sentiment gagner le monde. Et c'est comme aujourd'hui. Les gens sont agités. Ils disent, qu'est-ce qui est sur le point d'arriver? Là aussi. Du vivant du prophète déjà. Les humains se questionnaient comme ça. En 1963, un phénomène surnaturel s'est produit. Le monde ne s'est pas arrêté, il continue. Et après ce grand phénomène de l'apparition du Seigneur, il y a une grande promesse de sa venue. Vouloir ou pas, il viendra. Mais Dieu contrôle les sentiments des humains. Il les met dans un état de qu'est-ce que c'est. Écoutez, et c'est comme aujourd'hui. Les gens sont agités. Ils disent, qu'est-ce qui est sur le point d'arriver? Allez dans la rue. Il parlait à n'importe quel pêcheur. Que vous voulez. Vous pouvez aller dans un bar. Tout le monde sait que quelque chose est sur le point d'arriver. Le coronavirus est en train de revenir. On est en train de parler, on chuchote déjà 6e vague. Le nombre de cas en flèche. Si on vous dit en flèche, on a déposé les rapports à la table du président de la République pour prendre les mesures. Donc, si ça s'aggrave encore, on risque de retourner encore dans des conditions de couvre-feu et de déconfinement. Mais tous ces zigzags, vous êtes conscient envers vous-même, ça doit vous dire qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Le plus grave qui viendra balayer tout ça, c'est instaurer un nouveau système. Regardez les gouverneurs de ce pays. La dégradation des mœurs. On dirait que les gouvernants ne savent plus que faire. Une population que nous avons qui fait de la saleté une normalité. On jette les saletés partout et c'est cela qui est devenu normal. Ceux qui sont coupables et reprochables, comme je disais dimanche, ce sont ceux-là qui haussent les tons pour crier sur les mots. On dirait que les gouvernants sont en train d'attendre l'épuration des générations, que tous ces gens meurent pour que notre génération naisse, qui sera peut-être meilleure. On avait pris des décisions ici. Dans le cadre du coronavirus. C'est-à-dire, le corps sort de la morgue. Le bisou est venu et il va tout droit au cimetière. Cette mesure n'a jamais été changée. Mais qu'est-ce que nous vivons maintenant? Aujourd'hui même, j'ai assisté à l'exposition d'un corps dans une église à Matete ici. Moi, présent. On a fait le kill, il était là-bas. Le cadavre était exposé là-bas. Aujourd'hui, il est venu de la morgue vers là. Et il y a 2 semaines, la avenue Bakole où j'habitais auparavant, Bakole 1, a été presque fermée par des catafalques. On a fait la veille mortuaire là-bas. Le cadavre est venu là-bas. On se demande, est-ce qu'il y a la police vraiment dans le pays? Est-ce que ce pays est gouverné? Il y a de quoi se demander. Donc, ces choses-là sont violées. Ceux qui sont censés être libres passent librement. Il y a de quoi se questionner. Sommes-nous vraiment gouvernés? Kinshasa est vraiment gouverné. Regardez le réseau des tarifs dans les taxis. Chacun sort. Il détermine, il fait la loi. Bon, je vais aller m'arrêter à tel endroit. Vous me payez autant. La population ne sachant que faire. Il se regarde. L'un vient, payez-moi 3 000. L'autre sont 1500, l'autre 2000. Et parce qu'on ne sait que faire. Peut-être que vous avez nini. On sort. Toi qui t'as la paix, moule zoya. Imaginez. Le désordre est devenu une chose normale. Mais on se demande. Y a-t-il des gouvernants ou pas? Nous ne sommes pas contre les individus. Mais nous pouvons voir ce qui se passe. N'importe qui peut voir que ça ne va pas. Et voilà. Un désordre indescriptible. Tous les wewa dans les routes, en train de semer les désordres. Ça nous montre, tout ça nous montre que quelque chose de surgira. Pour bouleverser le système. Ici, Otunawa, Tolemi. Oya soit micro, Tolemi. Oyokuna, ça ne va pas. Ici, ça ne va pas. Ça va barder. Calamité, Makambo. Bon, je ne dis pas calamité. Ça va barder. Je ne connais pas. C'est évident. Comment, lorsqu'un bibon mûrit, il finit par exploser. On ne peut pas contenir les gens indéfiniment. Il y a toujours un moment où Ils en ont le ras-le-bol. Mais pour nous les chrétiens, là nous ne savons ni qu'à faire, ni qu'à dire. Nous recourons à Dieu. Nous nous consacrons à Dieu. Il a des solutions toutes faites. Et des solutions bien faites. Durable et stable. Vous voyez? C'est juste quelque chose et sur le point d'arriver. Le jugement plane sur le monde. Et les gens voient cela. C'est ce qui est arrivé au temps de Noé. C'est ce qui va se reproduire bientôt. Pour l'ensemble de l'humanité, l'ensemble de la terre. Alors nous, ne nous confondons pas au reste des mondains. Recourons à Dieu. Consacrons-nous plus à Dieu. Êtes-vous là? Il y a d'ailleurs une autre prophétie que nous avons lue dans Luc chapitre 21 ici. Regardez comment il a aligné les choses à nouveau. Dans Luc chapitre 21, verset 25 à 27 qu'on a lu, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, attention, qui nous seront. C'est awa na se mitema na mabota ni kojala na likolo kona. Les nations et leurs dirigeants ne savent pas que faire. Ba mboka na ba tambusi na bango bazali koyeba te basala. Déjà cette réalité est une confirmation de la prophétie. Les gens sont dépassés. Les gouvernants sont dépassés. Bato bazali kotambusa bato. L'OTAN est dépassé. Les États-Unis dépassés. Les pays africains dépassés. Tout dandine, tout balotte. Dieu a dit que les nations ne sauront que faire. Mais Dieu sait ce qu'il veut faire. Quand il avait les nations dans cet état-là, elle suivit leur peuple compte pour les solutions, pour leur lendemain. Mais ce sont des fainéants. L'Écriture dit que Dieu les amènera à cet état, où ils sauront que faire. Ok. Même un homme de la terre a pu dire, si vous comptez sur un politicien pour résoudre votre problème, c'est qu'alors vous avez deux problèmes. Donc votre problème lui est un problème, et le politicien sur qui vous comptez, c'est le deuxième problème qui s'ajoute à votre problème. Donc n'espérez pas avoir des solutions comme ça. Alors, est-ce qu'il faut compter sur les politiciens? Ou appeler la politique beaucoup de gens n'ont pas comme Gosemboka? Est-ce que c'est ça? Vous allez bongo? Chers amis. Aninga. Quand tu ne sais que faire, consacre-toi à Dieu. Il sait ce qui est bon pour toi. Et pour ton lendemain. Parce qu'il en connaît tous les contenus. Dieu connaît ce que tu ne connais pas. Mais c'est le lendemain. Recours à Dieu. Êtes-vous là? Qu'il en soit ici. Et dans la bongo. Les nations ne sauront que faire. Et nous prêchons cette parole prophétique. Ce n'est pas pour se moquer de nos dirigeants. Oh, nous les aimons bien, nous prions pour eux. Mais ils ne peuvent rien. Dieu vaut mieux. Dieu vaut mieux que ces hommes-là. Ils sont tous faibles. Tous. Et souvent, pareil, oiseau des mêmes plumages. Mettez-les à l'opposition, il a un discours. Mettez-les au pouvoir, il change de discours. Ce sont les mêmes. Ne comptez pas sur eux. Voulez-vous? Ne comptez pas sur eux. C'est pour ça que dans notre église, on ne leur donne pas l'occasion de battre campagne. Ils viennent nous donner des promesses, Toboy. Oh, bah, c'est pas ça. Dieu, avec Dieu, nous construirons. Même ceux qui ont 100 ans, tu aussi les sandagouas. Mais on n'a pas besoin de faire des compromis avec le péché, avec les voleurs et des menteurs. Nous voulons compter sur Dieu. Est-ce que ce Dieu-là va abandonner ses enfants? Jamais! David l'a dit. J'étais jeune, et je vis, je n'ai jamais vu le juste abandonné, mais sa postérité mania son père. Soyez juste et soyons une assemblée de justes, car Dieu est redoutable dans l'assemblée des justes. Il est redoutable dans l'assemblée des justes. C'est vrai. Moi j'ai confiance en lui. Et nous avons patience envers sa puissance. Ok, il dit ça. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Ils sont dans l'attente comme au temps de Noé. Ils commencent à avancer les dates. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Différentes dates sont avancées. Pour la tragédie finale. Il parle de 2037. Il parle de 2025. Il parle de 2050. Il parle aussi de l'an 2100. Des projections et des projections. Mais une ruine soudaine les surprendra tous à la vie. Et ils n'échapperont point. Ce n'est pas leur date qui va se confirmer. Mais Dieu les prendra de coups. La surprise viendra au moment inattendu. Et nous cachons-nous déjà en Dieu. Soyons dans ses commandements. Soyons dans sa parole. Voyez, les hommes rendant l'âme de terreur, toutes ces crises cardiaques qui se... dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Cette écriture est sur la miraille. Tenez. Alors, voyez juste après ça. Quand les gens seront là, ne sachant que faire, ensuite, ils seront dans l'attente de ce qui va surgir. Et pendant le temps d'attente, certains vont même piquer des crises cardiaques. Il faut même se suicider. Pendant qu'on en parle, il y a un médecin qui s'est suicidé dans les castailles là-bas. Monganga. On enterre son père aujourd'hui. Le jour suivant, mort de coup. Le médecin qui est censé soigner les autres. Monganga, lui-même appelle ça la photo circule. Voyez les gens circuler, nous comptons nous. Ils sont eux-mêmes faillis. Recourez à Dieu. Dieu vaut mieux que ses hommes. Les hommes seront toujours limités. Mais Dieu est tout puissant et illimité. Sachez-le, gardez ça à cœur. Voyez frère. Alors, pendant que les gens seront dans cet état, dans l'attente, ce qui va venir pour la terre, l'écriture ajoute au verset 27, alors on verra venir le Fils de l'homme sur les nuées de gloire, avec une grande puissance. Donc, il va plonger le monde dans cet état d'expectative, pendant lequel certains vont piquer des crises cardiaques. Les patients, qu'est-ce qui va surgir pour la terre. La terre. Ensuite, c'est la venue du Seigneur. Je vous dis, quand Dieu amène les gens dans un état d'ébranlement, de neutralisation comme ça, il a un surnaturel, une action puissante qu'il veut déclencher, qu'il veut manifester, qu'il veut faire apparaître. Vous l'avez vu dans Marc 9, vous le voyez encore ici. Il est le même Dieu dans Luc 21. Nous aimons, si je prends encore une citation, dans le sermon Le signe du temps, prêchez le 20 mai 1958, le paragraphe 107 à 109, l'électronique paragraphe 43. Écoutez mon ami, juste en ce moment-ci, pendant que nous avons été tout non, nous avons passé notre temps à faire du sexe notre Dieu. Donc nous avons fait du sexe notre Dieu. Les gens qui adorent le sexe. Hein? Et il y en a même dans les assemblées du message qui adorent le sexe. Ils ne peuvent pas s'affranchir. Ils ne peuvent pas renoncer aux désordres sexuels. Aux convoitises sexuelles. Et ils passent leur temps comme ça. Dans une vaste distraction sexuelle. Nous avons pris tout notre temps pour Hollywood avec les jeux de cartes consorts, tout ce genre de non-sens, amenant ces choses dans l'église et dénudant nos femmes et enlevant l'esprit de Dieu de l'église et toutes ces choses. La Russie prépare un Spoutnik. Et l'écriture est sur la miraille. Toute la nation est secouée. Une heure après cela, les soldats ont afflué dans la ville. Ils ont pris leur ville et leur maison. Ils ont tué leur roi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme à 7h même. Si le Spoutnik s'arrêtait au-dessus des États-Unis, et que l'on disait rendez-vous, que fera le Pentagone qui est complètement ébranlé ce soir à ce sujet? Que ferait-il? Et vous suivez les informations, vous voyez les journaux, ils ne savent que dire de ces choses. La Russie nous prend des photos ce soir à partir d'un Spoutnik. Et ils ne savent que faire. Oh, la nation est complètement ébranlée. États-Unis dépassés. L'un de leurs propres frères, Dre Branham, un Américain, la nation est complètement ébranlée. Ne le sommes-nous pas? Oh, remarquez certainement, si vous consacrez beaucoup plus de temps sur Dieu, au lieu de ces affaires sales et pourries que nous faisons, la situation n'aurait pas été comme ceci. La situation n'aurait pas dû devenir ce qu'elle est. Si nous consacrions beaucoup de temps pour Dieu, même notre nation congolaise ici, si les gens là qui font du bruit avec les tam-tams dans les avenues, c'est donné réellement à Dieu, toutes ces années, nous n'en serions pas à ce que le monde décrit. Trop d'églises, mais regardez l'état du pays. Donc on va tout même accuser les églises d'avoir tué le pays. Parce que là où il n'y a pas trop d'églises comme ça, les gens sont quand même respectés, ils évoluent, ils progressent. Le problème est qu'il y a l'hypocrisie. Beaucoup ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas appelés au service de Dieu. Ils ne sont pas églises de Dieu. Ils allaient faire dans un écoute. Ce sont des loges. Ils allaient opérer Vitonga Bandako. Et tout. Mais ils donnent l'impression que nous sommes très nombreux ici. C'est ici la nation qui prie beaucoup. C'est ici la nation où il y a beaucoup d'églises. Mais à quoi bon en avoir autant et beaucoup quand elles ne sont même pas connues de Dieu? Elles ne sont même pas nées de Dieu. C'est ça le problème. Comprenez, chers amis. Mais si réellement les églises se consacraient à Dieu et consacraient plus de temps à Dieu, nos situations ne seraient pas ce qu'elles sont. Comment dans un pays où il y a plein d'églises, on peut atteindre ce niveau de dépravation de mœurs? La morale publique est au degré zéro. Le civisme est absent. C'est comme une population sans identité. Un ramassis de gens. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Le matin, ils réclament une chose. Le soir, ils réclament le contraire. Le matin, ils condamnent une chose. Et quand on fait ça le soir, on essaye d'empêcher ça le soir, ils condamnent encore l'empêchement. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Mais comment au tas d'églises, nous avons une population dans un tel état chaotique. Les gens ne sont pas allés vraiment à Dieu. Mais on a façonné des systèmes pour des objectifs alimentaires. Il y a des gens qui forment même les églises pour garantir la nourriture du ventre. Asalio et Simbite, amis comme ici pasteur, comme ça, Azo Amolia. Vous voyez ça? Des hommes. Dieu, Dambé. Connaît ce que nous sommes. On n'aide pas Dieu, c'est Dieu qui aide les hommes. Amen. Zambi nda sunga kabato. Consacrons-nous à Dieu. Quand on ne sait que faire ni que dire. Recourons à Dieu. Il a une solution. La meilleure solution. Vous voyez frère, si vous consacrez beaucoup plus de temps sur Dieu, au lieu de ces affaires sales et pourries que nous faisons, comment pouvez-vous avoir des pasteurs qui aiment Branham plus que Jésus? Et en même temps, d'autres choses, ils sont des pasteurs de pétage. Et toutes ces souillures, c'est au nom des églises. Où allons-nous comme ça là? Vous voyez frère? Mais c'est la folie à ciel ouvert. On a craché sur Dieu. Il est temps que les gens se répandent. Si tu n'es pas à ta place, abandonne. Laisse ce travail à ceux que Dieu a appelé. Au lieu d'embrouiller les créatures. C'est ridicule maintenant. Ridicule. Et d'autres sont là à faire des navettes au palais des nations pour prier pour les chefs de l'État. Mais en fait, ils courent derrière les enveloppes. Chaque fois qu'ils partent, des transports. Vous voyez ça? Et c'est ça. Et les églises, soi-disant, de réveiller tout ça. Tous courant derrière l'argent. Et parfois c'est même mal partagé. Et ça devient une histoire de règlement de comptes. Entre les hommes de Dieu, entre guillemets. Ce ne sont pas les hommes de Dieu, ce sont les hommes d'argent. C'est des politiciens. C'est pas normal. Il est temps que nous recourions réellement à Dieu. Si Dieu est Dieu, qu'il se manifeste. Si Dieu est Dieu, qu'il nous change. Nous voulons apporter ses fruits. Digne de la repentance. Si vous consacrez beaucoup plus de temps sur Dieu, au lieu de ces affaires sales et pourries que nous faisons, d'aimer Branham plus que Jésus, et d'aller au concert de pétage, et des pasteurs qui sont dans la religion qui tenit, qui se font photographier chaque dimanche, et envoient des photos pour partager dans le monde. Hein? Des mariages de couleurs des habits. Ils prennent une pause à l'église. Vous voyez qu'il le faut sciemment. Antikisher Mupazi a télémis, pas qu'on gagne ma photo, bâtir dans internet. Avec ce genre de gens. Où est-ce que nous voulons aller? Des choses pourries et sales. Et des théâtres dans les églises. De mise en scène. Ils sont tolérés et encouragés. Frère, tout ça doit s'arrêter. S'il y a des enfants de Dieu, ils doivent écouter la voix du Seigneur. Parlons-en entre nous. Disons les plus loin que nous. Jusqu'à ce que tout le monde entende. Et qu'ils aient l'occasion de choisir. Si vous consacrez beaucoup plus de temps sur Dieu, au lieu de ces affaires sales et pourries que nous faisons, la situation n'aurait pas été comme ceci. Et vous voyez ce qui est arrivé? Très bien. L'amour. Voilà la situation. Quand tu ne sais que dire. Ni que faire. Que l'église ne sait que dire. L'église ne sait que faire. Consacrez-vous à Dieu. Donnez-lui plus de temps qu'habituellement. Priez pendant plus longtemps qu'auparavant. Donnez-lui beaucoup plus de temps qu'avant. Dieu a besoin de ça. Et vous verrez de quoi il est capable. Et il manifestera de quoi votre foi est capable. Que Dieu te bénisse. Nous nous levons pour la prière. À cette journée d'adoration et prière. Alors, nous allons chacun nous adresser à lui pour clôturer ce moment dans la paix et la foi. Nous chantons la mort de Dieu. La mort de Dieu est d'un loin si grand, très langue au but. Le peuple est dit, oh, il va plus loin, que la plus haute étoile, il atteint le plus bas enfer. Oh, coupable, oh, coupable, chantons, tapons les mains. Je donne à son fils, pour vaincre et réconcilia son péché grand. Amen. Et pardonne à son péché. Oh, la mort de Dieu, amour divin. Combien réchappent les sommeilleux. Et pas, il demeurera éternellement le chant des saints. Et à la mort de Dieu, à mort divin, combien réchappe il est sans mesure. Il demeurera éternellement le chant des saints et des hommes. Quand les temporels, quand les temporels va disparaître, mon royaume terrestre et où. Et quand les hommes, il est fait se prier, invoqueront, il a qu'un montagne, l'amour, oh divin, elle est là bien, il est sans maître, et oh la grâce, comme ça. Voilà, ça, dans le chant des saints, et, oh, la mort de Dieu, amour, divin, combien recherche-t-elle son maître, et fort, il demeurera, éternellement, le chant des saints, l'amour de Dieu, amour divin, combien réchappé le sang majeur, et pas, paiera éternellement le chant des saints et des anges. Et nous remplissons. L'océan tant, oui, si les cieux est, c'est par chemin, ou si chaque tige était seul plume, est autant d'épée. Oh, my mother. Continuez ces exploits avec ce qui marche dans la foi. Pas à pas. Pour moi, Digne sauvé par grâce, pour moi, amour, amour, rédempte. Comme c'est beau, comme c'est beau. Oui, c'est doux. Comme c'est doux de fredonner la mélodie. Oh, alléluia de l'agneau divin. Amour, amour, et comme c'est beau, comme c'est beau. Oui, c'est beau, comme c'est beau. Des prétends. Oh, alléluia de l'agneau divin. Amour, amour, rédent. Oh, oui, pour moi, pour moi. Pour moi. Un digne sauvé par grâce. Pour moi. Amour, amour, rédent. Oh oui, pour moi, pour moi, pour moi. Un digne sauvé par ta. Pour moi, pour moi, amour, amour. Dieu ne se fatigue jamais. Dieu ne faiblit jamais. Les adolescents se fatiguent. Les jeunes gens s'ennuient, se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui s'attendent à Dieu, renouvelleront leur force. Quand tu ne sais ni que faire, ni que dire, voici la promesse. Attends-toi à Dieu. Cela renouvelle automatiquement ta force. Cela fortifie automatiquement ta foi. Te replace en position de vainqueur. Ouais, tu vas rebondir. Tu repartiras encore sur une nouvelle appui. Sur une expérience fraîche encore. Dieu en possède. Dieu veut te la donner. Mais il t'amène d'abord dans cet état. Où tu es ébranlé. Parfois terrassé. Complètement terrorisé. Tu ne sais que dire. Tu deviens silencieux. Tu ne sais que faire. Mabouko l'ennemi, ma colo l'ennemi. Ma casse ici. Recours à Dieu. Quelque chose est en route. Quelque chose est si proche. Et c'est le surnaturel de Dieu. Il va se produire encore. Et c'est pour sa gloire. Oh, ce monde a tant besoin de voir les fils du Dieu vivant. Ne pourras-tu pas alors les manifester? Dans ce monde en ténébré, or Jésus est là, et rien ne lui est impossible. Pour sa propre gloire, il veut donc te guérir, car il est la vie qui coule. Oh. Car il est la vie qui coule. Oh. Car Jésus est là, et rien ne lui est impossible. Pour son propre nom, il veut donc agir, car il est la vie qui coule. Il est la vie qui ne tarit jamais. Et il est là. Quoi seulement? Il est là. C'est lui qui renouvelle ta force. Et ce soir, c'est fait. Cela ne doit pas frapper tes yeux. C'est ce qui doit saisir ton cœur. Ce soir, c'est fait. Le renouvellement de ta force. Et maintenant, comme Gédéon d'autre fois, à la fin de ce culte, va avec cette force que tu as. Et affronte tout adversaire. Tu seras plus que vainqueur. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Allons prier. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nos cœurs te craignent. Nos cœurs t'aiment. Nous n'avons pas peur de toi. Mais nous te vouons un profond respect. Car tu es digne de gloire, de louange et d'adoration. Tu es digne de recevoir le meilleur de notre part. De prendre toutes nos vies à toi. Tous nos gestes et mouvements. Prends-les sous ton contrôle. Utilise-les pour notre bien. Utilise-les pour la gloire de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Soutiens la foi de chacun. En sortant d'ici, avec la force que tu as donnée, que tu as renouvelée, il affronte n'importe quel adversaire. Et que de nouveau, il s'en sorte plus que vainqueur. De la gloire de Shekinah. One chaque frère présent. Et chaque soeur qui entend ici. La gloire de la Shekinah. Qu'elle apporte l'onction fraîche. Pour passer à l'action. Et pour agir pour toi. Reçois nos prières, utilise nos corps, nos esprits et nos âmes, tout pour ta gloire. Exauce nos prières et demain, conduis-nous dans la chaîne de prières à demander des choses bonnes, des choses vraies, des choses réelles, des choses authentiques et qu'avec toi, nous faisons mieux. Les exploits. Mais tu as promis cela. Tes exploits. Où sont-ils dans nos vies? Tes exploits. Si tu es Dieu, change-nous. Renforme les décors de vie autour de nous. Équipe-nous efficacement. De tout ce qui nous manque, ajoute encore, Seigneur. Que chacun s'éteigne dans ta présence, fortifié et libéré de tout ce qui ennuie. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions et nous t'adorons, nous te sanctifions et nous te célébrons jusqu'à la fin de nos vies et pour ta gloire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse richement.